éduquer. Hip-hop, thérapie, GDA, t'as pas le mental. Je viens vous livrer un peu de ma vie, pas aux autorités. Ils mourront plus tard, mes impulsions se sont arrêtées. Trop, trop tard, tard en retard dès la maternité. En prenant de l'âge, vite touché par la modernité. Aujourd'hui, je rapprends du plaisir par procuration. Je vois école de procureur et vous qui me procure un son. Quand je suis élu, pareil que je pratique la régression psychologique et mes neurones font de la répression. Sans pique, pas hasard, j'ai le mental, j'ai pas chez le psy. Je fais le résumé de ma vie, une sorte de synopsis. Hip-hop, thérapie, petite gélule en comprimé. Trois fois par jour pour faire partie de ce qu'on brille. La cervelle t'a doué, t'a sourire même quand ça varie. J'ai pas t'apprendre penser, c'est la jungle, c'est un safari. Donc je me confie à toi, auditeur psychologique. Sur le divan de la vie me paraît plus angélique. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. On dit la vérité, joue pas les grands face aux psychanalyses. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. Sous plus de ce qu'a mal fait, t'as pas le mental, on t'a déjà dû. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. On dit la vérité, joue pas les grands face aux psychanalyses. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. Sous plus de ce qu'a mal fait, t'as pas le mental, on t'a déjà dû. Écoute, docteur, moi je suis prêt pour la psychanalyse. En mélangeant dis-cannabis au canapé, je me colle au lit. Et quel ennui, je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de ça. Regarde le dépit de ma femme, le soir on passe un sale quart d'heure. Je suis à sec, la tisse n'arrête pas de m'endetter. Mais cela m'aide à moins douter, mon corps a besoin d'humidité, de méditer. Il le faudrait car la tisse me foudroie, souvent l'air effondré. Mais c'est rare que dans un bar, je demande un thé. Des maux de tête, je déçois moi-même. Sophie, vu que les problèmes s'enfilent, je suis plus moi-même. C'est pire car c'est la merde. Sans tisse, putain, je ne trouve pas le remède. Je déçois père et mère, et puis ma femme le soir en perd l'email. Putain, je me rends compte que c'est pas bien de boire le soir. Mais arrêtons de parler de ça, car moi j'ai opté pour les soins. Tu sais, même si dans les sons de la tisse parfois j'en ris, mais quand je reprends conscience, je me dis que je suis loin d'être parfait, chérie. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. On dit la vérité, joue pas les grands face aux petites analyses. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. Sous plus de ce qu'a mal fait, t'as pas le mental, on t'a déjà dû. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. On dit la vérité, joue pas les grands face aux petites analyses. Hip-hop, thérapie, j'ai fait un peu sa petite analyse. Sous plus de ce qu'a mal fait, t'as pas le mental, on t'a déjà dû. J'sais pas quoi vous dire, sérieux, mon cœur sur un divan, je le voyais pas. À vrai dire, si jeune, mais les si maladifs, si atteint, que je confonds, votre divan avec un brancard, je vais me confier. Je parle au rap, lui au moins me sert du psychiatre. Ouais, j'avoue de me confier à des sourds, j'ai la phobie, beaucoup écoutent sans comprendre et les problèmes font de l'haltérophilie. Quand je rappe ma vie, c'est sur l'ordonnance du légiste. Ma vie, un cahier de brouillon, de projets tétrapégiques. Je vais pas me lamenter, pourtant, je serai pas là en cabine. Thérapie, j'ai pas de crédit, je pars souvent à la solitude. Au lit, je tue mes journées routines pour ma colonne vertébrale. Gagner ma vie, je compte pas sur ma voix mais sur mes deux bras. Si je me confie au rap, c'est que lui me contredit pas. Défaut une qualité, au docteur on me prescrit quoi. Ouais, j'étais un cousin, ma foule, Bouki, Soir, Zep, Popeye. Hip-hop,